Let us pray. Si on peut prier. Even as we begin this service. Pendant que nous commençons ce service. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, in the mighty name of Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. The most excellent name. Le nom le plus excellent. The most anointed name. Le nom le plus oint. Father, we are gathered in the name of Jesus. Père, nous sommes réunis au nom de Jésus. To give thanks to you. Pour te dire merci. And to bless your holy name. Et de bénir ton saint nom. And to ask you today. Et de te demander aujourd'hui. That you may open our spiritual ears. Que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles. And open our spiritual eyes. Et tu puisses ouvrir nos yeux spirituels. That we may be able to hear from you. Afin que nous puissions écouter de ta part. And from the Holy Spirit. Et aussi du Saint-Esprit. Father, this night. Père, ce soir. Is a very special night. C'est une soirée vraiment spéciale. In the nation of Canada. Dans la nation du Canada. A very, very special night. Et une soirée vraiment, vraiment spéciale. Even in the city of Toronto. Dans cette ville même de Toronto. Because you have chosen this night. Car tu as choisi cette soirée. To speak to this church. Pour parler à cette église. The Church of Christ in Canada. L'église de Christ au Canada. And the nation of Canada. Et à la nation du Canada. Lord, we bless you. Seigneur, nous te bénissons. And thank you. Et nous te remercions. Even for the blood of Jesus. Merci pour le sang de Jésus. But Lord, we thank you. Mais Seigneur, nous te remercions. And ask that you send the Holy Spirit. Et te demandons d'envoyer le Saint-Esprit. To lead this service. Pour conduire ce service. And even as I speak with them, Jehovah. Et pendant que je parle au Jéhovah. Let them not see me. Qu'ils ne me voient pas moi. Don't allow them to hear me. Ne leur permets pas de m'écouter moi. But let them see the Holy Spirit. Laisse-les voir le Saint-Esprit. And hear the Holy Spirit. Et écouter le Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let us clap to the Lord. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. You can sit in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty blessing to be here. Quelle bénédiction puissante d'être ici. I want to start by thanking the pastors. Je voudrais commencer par remercier les pasteurs. By thanking the host pastor. De remercier le pasteur hôte. Thank you so much for allowing me to be here. Merci vraiment de m'avoir permis d'être ici. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And I am so humbled to be part of your service in this nation. Et je suis très humble d'être partie de cette service en ce soir. What a mighty way to begin the service. Quelle manière puissante de commencer le service. We did not expect many people today. Nous n'attendions pas beaucoup de gens ce soir. And this is a very big surprise from the Lord. Et ceci est une grande surprise de la part du Seigneur. Let us clap to the Holy Spirit. Acclamons pour le Saint-Esprit. That has brought you here. Pour ceux que nous sommes ici. And so thank you, Pastor. Et encore merci, Pasteur. For being obedient to the Holy Spirit. D'avoir été obéissant au Saint-Esprit. I want also to thank Pastor John. Je voudrais aussi remercier Pasteur John. Mark Olo. Mark Olo. Who was the contact person between us and the church. Qui était la personne contact entre nous et l'église. It is surely a big blessing to meet them, to know them. C'est une grande bénédiction de les rencontrer, de les connaître. And so thank you so much for your obedience to the Holy Spirit. Et merci encore pour ton obéissance au Saint-Esprit. He was saying. Il a été sauvé. When we were in the office there, quand il me disait qu'on était dans le bureau, that he was ashamed, qu'il était honteux, he was feeling ashamed to invite me to a small church, qu'il avait honte de m'inviter dans une petite église, because he knows the kind of meetings that we are doing right now, car il connaît le genre de réunions que nous faisons en ce moment, but I told him, mais je lui ai dit, that this is the biggest blessing that can happen into my life. Ceci est la plus grande bénédiction qui puisse arriver dans ma vie. Hallelujah. Because of the humble beginnings. Parce qu'à cause des faibles commencements. And I have also been asking the Lord. J'ai aussi demandé au Seigneur. To give me something different. De me donner quelque chose de différent. To go back to the humble beginnings. De rentrer au faible commencement. That we may see even how Jesus was ushered into the earth. Et de voir comment Jésus a été envoyé sur la terre. That we may not forget those humble beginnings. Afin que nous n'oublions pas les faibles commencements. Hallelujah. And I told him. Et je lui ai dit. That whether it is one person. Que ça soit une personne. Or two people. Ou deux personnes. I want to come. Je voudrais venir. Hallelujah. Because we remember Jesus. Car souvenons-nous de Jésus. He ministered to Nicodemus. Il a enseigné à Nicodème. One person. Une seule personne. And it took a long time to convince him. Et il a pris un long moment pour le convaincre. And then it entered into the history books. Et cela est entré dans l'histoire de livres. Of the kingdom of God. De le royaume de Dieu. And now we can read about it. Maintenant nous pouvons le lire. And enter into the kingdom of God. Et entrer dans le royaume de Dieu. The Bible says la Bible dit that when one person is willing to repent, lorsqu'une personne est prête à se repentir, again in the book of Luke chapter 15, dans le livre de Luc 15, that when one person is willing to repent and turn from sin, lorsqu'une personne est sur le point de se repentir et de fuir le péché, that is better than the 99. Cela est mieux que les 99 that are not willing to repent. Qui ne sont pas prêts à se repentir. So surely this is a very big beginning. Bien sûr, pour moi c'est un grand commencement. A humble beginning. De faibles commencements. Never be ashamed, my son. Ne sois jamais honteux, mon fils. We can go anywhere. Paul went places he was not even allowed to enter the city. Paul est entré dans les endroits où on lui avait pas permis d'entrer dans la ville. We are foot soldiers of Christ. Nous sommes des soldats, des fantassins de Jésus-Christ. And this is a new thing the Lord is doing. Et ceci est une chose nouvelle que le Seigneur fait. There are no private aeroplanes here. Il n'y a pas de réunion privée en plein air. We are foot soldiers. Nous sommes seulement des soldats, des fantassins. Because the season has changed. Car la saison a changé. And we are very cheap to bring here. Et nous sommes coûtons moins cher pour faire venir ici. Not like the expensive journalists. Comme the expensive evangelist, somebody. Ou bien hallelujah. Comme les évangélistes chers. Where you have to hire the 5-star hotels. Pour qui vous devez louer un hôtel 5 étoiles. Find a place for the jets to park. Trouver un endroit pour l'avion qui doit parquer. We are very simple. Just give us a shout across the ocean. Nous sommes très simples. Appelez-nous seulement au loin de l'océan. We are foot soldiers for Christ. Nous sommes des soldats pour Christ. Because the season has changed. Car la saison a changé. Like you are just about to hear. Comme vous êtes sur le point d'écouter. I am going to begin this in a mighty way. Je vais commencer d'une manière puissante. And then you will understand the season has now changed in the church. Et vous comprendrez que le saison a changé dans votre vie. Dans and votre it has never ceased to amaze me. Cela n'a pas arrêté de m'étonner. How humble the ways of the Lord are. Comment les voies du Seigneur sont si faibles. But because for such a celebrated country like Canada. Pour un pays qui est tellement célébré comme le Canada. Very much highly celebrated. Un pays qui est très bien perçu dans le monde. Everybody wants to get to Canada. Tout le monde voudrait venir au Canada. But it never ceases to amaze me. Mais cela n'arrête pas de m'étonner. How humble the ways of the Lord can be in that nation. Comment les voies du Seigneur sont humbles dans cette nation. That he is not starting from the natives. Qui ne commence pas avec les autochtones. But is starting from you people. Qui commence avec vous. With such a mighty message of the Lord. Avec un message si puissant du Seigneur. So my heart is full of joy. Mon cœur est rempli de joie. And very warm unto the Lord. Et vraiment réchauffé pour le Seigneur. I want to thank Pastor Dennis. Je voudrais remercier Pasteur Denis. And all the leaders here. Et tous les leaders ici. Thank you so much for allowing me to be here. Merci de m'avoir permis d'être ici. And even for accepting when we change the schedule a little bit. Même d'avoir accepté que nous changions le programme un peu. When I allowed the schedule to change, the Lord allowed us to change it just a little bit. Hallelujah. When the Lord allowed the schedule to change just a little bit. Lorsque le Seigneur a permis que nous changions le programme un tout petit peu. Thank you for accommodating the change. Merci d'avoir accepté le changement. I want to thank all of you that are members of the church. Je voudrais vous remercier tous membres de l'église. And I want you to know et je voudrais que vous sachiez that what is beginning today ce qui commence aujourd'hui is going to be a milestone in the church. Ça sera une pierre de souvenir dans cette église. It is going to be a new beginning not only in this church. Ça sera un nouveau commencement seulement dans cette église but across this nation. Mais aussi au travers de cette nation. Hallelujah. Amen. And so today I'll speak with you. Et aujourd'hui, je parlerai avec vous on something very, very, very important to the church. Sur quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour l'église. And we thank God et nous remercions Dieu that we start today que nous commençons aujourd'hui and we go into Sunday. Et nous allons jusqu'à dimanche. Because it's going to be very deep. Ça sera très profond. Those that can write notes, ceux qui peuvent écrire, you can write them. Écrivez-les. If you cannot, it's all right, get the messages from the brethren. Si vous ne pouvez pas, c'est bien, prenez le message avec les frères. But this is going to be very critical to the church. Mais ceci est très critique pour l'église. And the turning point in the Christian walk. Et un tournant dans la vie chrétienne. And I'm so humble that the Lord could use me. Je suis humble que le Seigneur puisse m'utiliser. You know, from Africa. Venant de l'Afrique, normally forgotten and neglected. Généralement oublié, négligé. So it's very humbling that the Lord can send me from that continent. C'est vraiment humiliant de, pour le Seigneur m'envoyer de ce continent-là. To bring this most important message to the church. Pour amener ce message tellement important à l'église. I am going to speak about something very critical. Je vais parler de quelque chose de vraiment critique. And then I'm going to share the key highlights. Et je vais partager avec vous les points essentiels. Of what the Lord is speaking to the church. De ce que le Seigneur dit à l'église. And today you are going to encounter. Et ce soir vous allez rencontrer. The living conversation between God and the church. La conversation vivante entre Dieu et l'église. And what God is saying to the church right now. Et ce que Dieu dit à l'église en ce moment. I am going to talk about the wedding of the Lamb of God. Je parlerai du mariage de l'agneau de Dieu. And then I'll share main conversations with the Lord. Et je partagerai plusieurs conversations avec le Seigneur. Regarding the wedding of the Lamb of God. Concernant le mariage de l'agneau de Dieu. Now listen to me, precious people. Écoutez-moi bien, bien-aimés. This is how I am beginning this. C'est de cette manière que j'ai commencé. The book of Isaiah chapter 40. Le livre d'Ésaïe chapitre 40. Turn with me there. Tournez avec moi là-bas. I'm reading Isaiah 40. Ésaïe 40. Verses 1 to 5. Verset 1 à 5. And I'll read and he translates bit by bit as we move on. Je vais lire et il va interpréter pièce par pièce. He says, il dit, comfort, comfort my people. Consolez, consolez mon peuple. Says your God. Dit votre Dieu. Speak tenderly to Jerusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. And proclaim to her. Et criez-lui that her hard service has been completed. Que sa servitude est finie. That her sin has been paid for. Que son iniquité est expiée. That she has received the Lord's hand. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Again, she has received from the Lord's hand. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Double for all her sin. Au double de tous ses péchés. Verse 3, very, very important. Verset 3, le plus important. A voice of one calling in the desert. Une voix crie dans le désert. Prepare the way for the Lord. Préparez le chemin de l'Éternel. Make straight in the wilderness. Aplanissez dans les lieux arides. A highway for our God. Une route pour notre Dieu. Every valley shall be raised up. Toutes les vallées qui soient exaucées. And every mountain and hill made low. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. The rough ground shall become level. Que les coteaux se changent en plaine. The rugged places a plain. Les défilés étroits en vallon. And the glory of the Lord will be revealed. Et la gloire de l'Éternel sera révélée. And all mankind together will see it. Et toute la chair. And all mankind together will see it. Et en même instant, toute chair la verra. For the mouth of the Lord has spoken. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. This is where I want to begin from. C'est là que je voudrais commencer. and build on day after day et bâtir jour après jour until the finality on Sunday evening. Jusqu'à la finale dimanche soir. The Lord has been speaking with me about the wedding of the Lamb of God. Dieu m'a parlé de le mariage de l'agneau de Dieu. And I'm going to walk you systematically into this conversation. Et je vais vous conduire systématiquement dans cette conversation. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. On the 2nd of April, au 2 avril, the year 2004, de l'année 2004, in a mighty visitation of the Lord, dans une visitation puissante du Seigneur, I saw the visions of the Lord, j'ai vu la vision de l'Éternel, regarding the wedding of the Lamb of God, concernant le mariage de l'agneau de Dieu, and in that premier vision of the Lord, et dans cette vision première de l'Éternel, there was tremendous glory ahead of me here. Il y avait une gloire très grande devant moi. Don't worry, just walk with me on this. Ne vous inquiétez pas, marchez avec moi avec ceci. It's very important you catch this, okay? Il est très important que vous saisissiez ceci. Tremendous glory of the Lord ahead of me. Une grande gloire au devant de moi. Like a heap of a mountain. Comme le dos d'une montagne. And everything became glorious. Et tout était devenu glorieux. Even the grass began to glow with the glory of God. Et même l'herbe commençait à resplendir de la gloire de Dieu. I even hear the sound of the glory. J'ai même entendu le son de la gloire. Like a hissing sound going on around there. Comme un hissement qui allait de par-ci par-là. Tremendous glory in the place. Une gloire grande dans la place. And then he made me know. Et il m'a fait connaître. That God the Father was inside that glory. Que Dieu le Père était dans cette gloire. And then he also made me know. Et il m'a fait savoir. That a new dispensation. Une nouvelle dispensation was now dawning on the church. Était sur le point de sortir sur l'église. I am talking about, je parle de, the 2nd of April, le 2 avril, the year 2004, de l'année 2004. And then I'm summarizing the key events of this visitation. Et je suis en train de résumer les points essentiels de cette visitation. And then in there, in that visitation, dans cette visitation, immediately he placed John the Baptist on my right hand side. Il a mis Jean-Baptiste en ma droite. Again, I repeat this. Et je répète encore. He put John the Baptist and he appeared on my right hand side. Il a fait apparaître Jean-Baptiste à ma droite. And immediately, et immédiatement, John the Baptist, Jean-Baptiste, began to speak with me. Commencez à parler avec moi about the coming of the Lamb of God. Sur la venue de l'agneau de Dieu. The Lamb of God, l'agneau de Dieu, that was now going to come for the church. Qui devait venir pour l'église. Hallelujah. Amen. And as this conversation continued, et pendant que la conversation continuait, he started speaking with me, il a commencé à me parler, even about the slaying of the Lamb of God on the cross, de la mort de l'agneau qui était mort sur la croix. And John the Baptist continued. Et Jean-Baptiste a continué. And I remember the Father made me feel pain and sad. Et je me souviens que le Seigneur m'a fait sentir la souffrance dans mon cœur. That the Lamb of God, que l'agneau de Dieu, had to be slain, devait être immolé, for sins of the world, pour les péchés du monde. And then after that, et après cela, precious people, bien-aimés, then the voice of the Lord God came from the thick glory here. Et la voix du Seigneur est sortie de la gloire qui était là. And the voice said, et la voix a dit, God tell the four corners of the earth, va annoncer aux quatre coins de la terre, to repent and prepare the way for the coming of the Lord. De se repentir et de préparer la venue de l'agneau de Dieu. That is where I want to begin from. C'est là que je voudrais commencer. And I remember so well, et je me rappelle très bien, that when I woke up from that visitation, lorsque je me suis réveillé de cette visitation, I immediately understood, j'ai compris immédiatement, that something had changed in the spiritual realm. Quelque chose a changé dans le monde spirituel. In the church of Christ. Dans l'église de Christ. And I'm going to share with you even the deeper revelation of that conversation. Et je partagerai avec vous les profondes révélations de cette conversation. But I want to share one more conversation for tonight. Mais je voudrais encore partager une conversation ce and soir. And then I'll combine the two. Et alors je vais combiner les deux. And walk you into what is God saying to the church. Et vous amener à ce que Dieu dit pour l'église. So we may be in one step with the Holy Spirit. Spirit. Afin que nous soyons un avec le Saint-Esprit. And then after that, et après cela, I started going out preaching repentance. J'ai commencé à sortir et prêcher la repentance. I started going to the nations telling them prepare the way, the Lamb of God is coming soon. J'allais aux nations, leur disais préparez la voie car l'agneau de Dieu arrive bientôt. But then come the 1st of November. Alors arrive le 1er novembre. The year 2006. De l'année 2006. At 3 a.m. in the morning. À 3 heures du matin. Everybody pay attention to this, is so critical. Bien-aimé, faites attention, c'est très important. 3 a.m. 3 heures du matin. November 1. 1er novembre. 2006. 2006. Then again, another mighty visitation of the Lord. Une fois de plus, une visitation puissante de l'Éternel. Regarding the wedding of the Lamb of God. Concernant le mariage de l'agneau de Dieu. I remember so well. Je me rappelle très bien. In the Bible here. Dans la Bible ici. In the book of Genesis. Dans le livre de Genèse. That when the Lord was sending Joseph to the king of Egypt. Quand Dieu envoyait Joseph au roi d'Égypte. The king of Egypt had a dream. Le roi d'Égypte avait un rêve. And then he had another dream. Et il a eu un autre rêve. But Joseph had the revelation of God. Mais Joseph avait écouté la révélation de Dieu. And the Lord sent him to the king to interpret the dream. L'Éternel l'a envoyé au roi pour interpréter le rêve. I remember what the Lord said. Je me rappelle ce que le Seigneur a dit. That Joseph should tell the king. Que Joseph devait dire au roi. That the reason the dream has been given to the king. La raison pour laquelle le rêve a été donné au roi. In two forms. En deux phases. Not once. Non pas une fois. But twice. Mais deux fois. Is because the God of heaven, car le Dieu des cieux, has made up his mind, s'est résolu, and he has decided, et a décidé, that what he is talking about, que ce qu'il disait, must come to pass and soon, devait arriver et très bientôt. Hallelujah. So I understand it so well. Alors je l'ai bien compris. That there was no accident here. Qu'il n'y avait pas de hasard. There was no coincidence here. Il n'y avait pas de coïncidence. This was a deliberate move by God. C'était un mouvement délibéré de Dieu. So November 1. Alors le 1er novembre. 2006. 2006. 3 a.m. in the morning. 3 heures du matin. In the direction facing east. Mais je faisais face à l'est. I saw the visions of God Almighty. J'ai vu la vision du Dieu puissant. And I remember when I looked there in the sky. Je me rappelle quand j'ai vu dans les cieux. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. Heaven opened. Les cieux se sont ouverts. And when heaven opened. Et quand les cieux se sont ouverts. I was looking at heaven. Je regardais les cieux. The tremendous glory of God. Une puissante gloire de Dieu. Coming from the inside of heaven. Sortant des cieux. And saturating the sky. Saturant les cieux. And it was turning the midnight sky. Ça tournait le ciel de la nuit. Into a glorious glow of the glory of God. D'une gloire éblouissante de la gloire de Dieu. I saw that light was colonizing the sky. J'ai vu comment la lumière prenait pour contrôle des cieux. And it was affecting the earth. Et cela affectait la terre. As I continued watching, I was amazed. Pendant que je continuais à regarder, j'étais émerveillé. At how tremendous. De la manière puissante. And how authoritative. Et de la manière autoritative. And how powerful. Et la manière puissante. The glory of God is. Que la gloire de Dieu est. And that when the glory came. Et lorsque la gloire est venue. The darkness was disappearing. Les ténèbres disparaissaient. But at the same time. Au même moment. I looked. J'ai regardé. And I saw what looked like golden. J'ai vu ce qui ressemblait de l'or. Golden color. D'une couleur d'or. It was inside heaven. C'était dans les cieux. And slowly but surely. Mais lentement mais sûrement. That golden tinge was beginning to come towards the sky. Cette chose d'or commença à se procher des cieux. And the more it drew near the sky. Et la plus il s'approchait des cieux. The bigger it became, the larger. Et cette chose commençait à s'agrandir. Until I was now able to see it. Au point que j'étais capable de voir la chose. I know you work and you come here in the evening. Je sais que vous avez travaillé, vous êtes venu ici ce soir. But don't Don't miss this one here. Mais ne ratez pas ceci. Because this is the time for Canada. Car ceci est le temps du Canada. Listen to me, somebody. Écoutez-moi quelqu'un. I know you are tired. You've been working the whole day. Je sais que vous êtes fatigué. Vous avez travaillé toute la journée. My heart is so overflowing with joy today. Mon cœur est rempli de joie aujourd'hui. That this nation took and received this message. Que cette nation puisse recevoir ce message. Hallelujah. Amen. So don't miss these precious people. Ne ratez pas ceci, bien-aimés. So the glory was coming. Et la gloire s'approchait. And then now the golden is coming. Et la chose d'or s'approchait. And when it reached near the entrance to heaven. Et jusqu'à l'entrée des cieux. The entrance that was open. L'entrée, l'ouverture qui était ouverte. Then I saw two wedding rings. Alors j'ai vu deux alliances, deux bagues d'alliance. Two mighty wedding rings. J'ai vu deux bagues puissantes d'alliance. They were brought and placed at the entrance to heaven. Ils étaient amenés juste à l'ouverture des cieux. And there is also the casing of the rings, the casing. Et il y avait aussi la boîte de, qui contient les alliances. Very good. The casing, I don't want to talk much about that. The casing was put on the left-hand side of the entrance. Et la boîte était à gauche de l'entrée. But the two wedding rings, mais les deux alliances, were placed right at the entrance to heaven, étaient juste à l'ouverture des cieux. And those wedding rings, et ces deux alliances, are so powerful, étaient vraiment puissantes. They are so glorious, et sont tellement glorieuses. They are so golden, et sont tellement en or. They are so pure, et sont tellement pures. So purified, tellement purifiées. They are so rich. They are very costly. I could understand. Je pouvais comprendre the power that was resident on the wedding rings. Que la puissance était sur les anneaux. And he put them right at the entrance to heaven. Et les a mis juste à l'ouverture des cieux. And then after that, après cela, the voice came from inside heaven. La voix est sortie des cieux. And the voice said, la voix a dit, from today on, à partir d'aujourd'hui, all authority, toute autorité, in heaven, dans les cieux, and authority on the earth, et l'autorité sur la terre, has been given to Christ Jesus, a été donnée à Christ Jésus. Hallelujah! I feel I can even stop there. J'ai pensé m'arrêter là. And go to another country. Et aller dans un autre pays. That all authority, toute autorité, has now been given to Christ the Messiah. A été donné à Christ le Messie. Listen to this, somebody. Écoutez-moi quelqu'un. I was looking at the wedding rings. Je regardais les anneaux. And then the Lord was tilting them like this. Et le Seigneur les bougeait de cette manière-là. I can tell you today, je peux vous dire aujourd'hui, that those two wedding rings, ces deux anneaux d'alliance, they are very identical. Elles sont vraiment identiques. In fact, when you put a mirror here, et quand vous mettez un miroir ici, you see the other one on this side. Vous voyez l'autre de l'autre côté. They are sister images, mirror images. Ce sont des images. They are identical. Ils sont identiques. They are photocopies. Ce sont des photocopies. So similar. Vraiment semblable. Only God can do such a thing. Dieu seul peut faire ces choses. And there is a message there. Et il y a un message là. I am going to give you revelation today. Je vais vous donner la révélation ce soir. So you may understand. Afin que vous compreniez. The mind of God. L'esprit de Dieu. The Father of our Lord Jesus. Le Père de notre Seigneur Jésus. The mind of God to the church. La parole de Dieu pour l'église. Beginning today. Commençons ce soir. So you may walk. Vous puissiez marcher. In step with the Holy Spirit. En synchrose avec le Saint-Esprit. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. As I continued looking at the wedding rings. Pendant que je regardais les anneaux d'alliance. Now even more interesting. Et cela était encore plus intéressant. Then the voice came again. La voix est encore sortie. The voice said, la voix dit, coming from inside heaven, venant de l'intérieur des cieux. This time he said, cette fois-ci elle dit, look, regarde, and see, et vois, who is seated on the white horse, qui est assis sur le cheval blanc. I remember, je me souviens, when I looked slightly above the two wedding rings, lorsque j'ai regardé légèrement au-dessus des deux anneaux, I was able to see the most powerful white horse. J'ai vu le cheval le plus puissant. The most glorious white horse. Un cheval blanc très glorieux. And he had so much power. Il avait tellement de puissance. He was so sturdy. He was so mighty. Il était tellement bien établi, bien puissant. But the way he behaved. Mais la manière qu'il se comportait. The Lord made me know. Le Seigneur m'a fait comprendre. That look, he is ready. Il est prêt. He is ready. Il est prêt. Any time now he can be released. À n'importe quel moment il peut être libéré. And he was behaving as if he is about to leave. Et il se comportait comme s'il était sur le point de décoller. And in a short while. Et en un très peu de temps, he actually left. Il a quitté. From the right hand side of the sky, du côté droit des cieux, inside heaven, au-dedans des cieux, towards the left hand side of the sky, en allant vers le côté gauche des cieux. And I remember looking at him like this, he was cruising like this. Et je l'ai vu passer de cette manière-là. But when I looked at who the rider of the white horse is, lorsque j'ai essayé de voir le cavalier de cheval blanc, I was stunned. J'étais étonné. I was shocked. J'étais choqué. I was surprised. J'étais surpris. Because I saw the Son of Man. Car j'ai vu le Fils de l'homme. I saw the Messiah. J'ai vu le Messie. The rider of the white horse. Le cavalier du cheval blanc. And after that. Après cela. The voice from heaven said. La voix des cieux dit. Go tell these people. Va dire à ces gens. To prepare the way. De préparer la voie. For the coming of the Lord. Pour le retour de le Seigneur. That is where I want to begin today. C'est là où je voudrais commencer aujourd'hui. What a mighty blessing. Quelle bénédiction puissante. You can imagine. Vous pouvez imaginer. After receiving this message. Après avoir reçu ce message. Fire ate my bones. Le feu a envahi mon corps. Fire ate my bones. Le feu a envahi mes os. I started asking. J'ai commencé à demander. How can I reach there? Tell them I reach this way. Tell them Russia, Ukraine, where, Japan, everywhere. I need to go and tell them. Comment je vais aller là-bas au Japon, en Russie, partout, alors Canada. I need to go everywhere. Je dois aller partout au Canada, partout. And tell them. Et leur dire that now the season has changed. Que maintenant la saison a changé. And if the season has changed, et si la saison a changé, we cannot continue with church as usual. Nous pouvons pas continuer l'église comme d'habitude. We have to switch gears. Nous devons changer de vitesse. And now begin to prepare for the coming of the King. Et nous préparons pour le retour du royaume. Hallelujah. So listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. In the two conversations, dans les deux conversations, there are other conversations. Il y a eu d'autres conversations. Coming May 3rd, 2007. 3 mai 2007. When I was in India, Hyderabad. Quand j'étais en Inde. And then another visitation, 20th of November 2007. Et une autre visitation le 20 novembre 2007. Another visitation on 26th of March 2008. Une autre visitation 26 mars 2008. Another one on April 8th, 2008. Une autre visitation 8 avril 2008. Another one on June 29th, 2008. Une autre visitation 29 juin 2008. Another one, the most recent, August 19th, 2008. La plus récente, 19 août 2008. We are going to share those as we develop this. Nous allons partager tout cela pendant que nous développons. But I want to focus tonight on those two. Je voudrais me focaliser sur ces deux conversations. What is God saying to the church? Qu'est-ce que Dieu dit aux églises? What is the message to the church? Quel est le message pour les églises? When the Lord he presented the two wedding rings, lorsque Dieu a présenté les deux anneaux de mariage, into the sky, dans les cieux, and there was tremendous glory of God, il y avait une gloire puissante de Dieu, the glory that poured and colonized the dark sky, la gloire qui était descendue avait envahi les cieux, les ténèbres, and then the wedding rings, et alors les anneaux de mariage, the white horse, le cheval blanc. What was God? What is God saying to the church? Saying to you? Qu'est-ce que Dieu dit à l'église? Qu'est-ce que Dieu vous dit? That is where I want to begin today. C'est là où je voudrais commencer ce soir. Number one. Premièrement. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Let there be no confusion today. Qu'il n'y ait point de confusion aujourd'hui. I want to start with number one. Je voudrais commencer numéro un. Every time God speaks. Chaque fois que Dieu parle. You must find it in the Bible. Vous devez le trouver dans la Bible. If you don't find it there, si vous le trouvez pas là-bas, then God has not spoken. Alors Dieu n'a pas parlé. The first thing, la première chose, whenever God speaks, chaque fois que Dieu parle, it must line up with the word of God. Ça doit s'aligner avec la parole de Dieu. That is the power of what the Lord is saying. C'est ça la puissance de ce que Dieu dit. That is the way you get revelation. C'est comme ça que vous avez la révélation. That is the way you know which way to go. C'est là que vous savez où aller. That is the way you understand the instruction. C'est comme ça que vous allez comprendre les instructions. Number two. Deuxièmement. Every time God speaks, chaque fois que Dieu parle, He must speak to the church of Christ. Il doit parler à l'église de Christ. There is a message to the church. Il y a un message pour l'église. Hallelujah. And that is where I want to begin today. Et c'est là où je voudrais commencer ce soir. I want to walk you into the Bible. Je voudrais vous conduire dans la Bible. So we may mature up. Et afin que vous puissiez devenir mature. There has been a problem in the church. Il y a eu un problème dans l'église. All over the earth. Sur toute la terre. The church, l'église, has been infant. Est demeuré enfant. The church has been young. L'église est demeurée jeune. But if the season is changing now, mais si la saison change maintenant, that means it is time to mature up. C'est le temps de se devenir mature. Because the Messiah, car le Messie, is coming to where the mature church. Vient pour l'église mature. He is not coming to where an infant church. Il ne vient pas pour une église d'enfants. So the only way the church can mature, la seule moyen que l'église peut grandir, is when we go there. C'est lorsque nous allons là-bas. And look at the word of God. Et regardons la parole de Dieu. What is God saying to the Church of Christ in Canada? Qu'est-ce que Dieu dit à l'église de Christ au Canada? Turn with me, precious people. Tournez avec moi, bien-aimés. To the book of Revelation. Au livre d'Apocalypse. I know time is running, but I'm going to try to walk within your frame. Je sais que le temps court, mais je vais travailler dans le temps. You will just walk within the framework if you allow me, somebody. Je vais travailler dans le temps si vous me permettez. The book of Revelation chapter 19. Apocalypse 19. I am reading verses 6 to verse 9. Je lis du verset 6 au verset 9. And then I will explain to you inside there what God was saying in that visitation. Je vais expliquer ce que Dieu disait dans cette visitation. He says, Revelation chapter 19 verse 6. Apocalypse 19 verset 6. Up to verse 9. Jusqu'au verset 9. He says, then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Car j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verse 7. Verset 7. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. And verse 8. Verset 8. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. And he says in my Bible here, fine linen stands for the righteous acts of the church, of the saints, of the Christians. Et il lui a été donné de revêtir d'un fin là éclatant pur, car le fin là, ce sont les œuvres justes des saints de l'église de Christ. Verse 9. Verset 9. Then the angel said to me, write, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. So precious people, bien-aimés, what was God saying to the church? Qu'est-ce que Dieu disait à l'église? What is God saying to the church right now? Qu'est-ce que Dieu dit à l'église en ce moment? In those two visitations I've shared with you. Dans ces deux visitations que j'ai partagées avec vous. Those mighty visions of God. De ces deux visions puissantes de Dieu. The first one regarding John the Baptist here. Première voyant Jean-Baptiste là. And talking to me. Me parlant. About the Lamb of God. De l'agneau de Dieu. That is very soon going to come for the church. Qui va bientôt venir pour l'église. And then the November 1, et au 1er novembre 2006, the two wedding rings he placed in the sky, les deux anneaux qu'il a placés dans les cieux, at the entrance to heaven, à l'entrée des cieux. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? And I told you, je vous ai dit, if you don't find it in the Bible, si vous ne voyez pas cela dans la Bible, God has not spoken. Dieu n'a pas parlé. But if you find it there, mais si vous le voyez là, Jehovah he has spoken to the church. Jehovah a parlé à l'église. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. It is so powerful here. C'est tellement puissant ici. That when it comes to the wedding of the Lamb of God. Que lorsque le mariage de l'agneau de Dieu arrive. When it comes to the rapture of the church. Lorsque l'enlèvement de l'église arrive. He says. Il dit. It is as if. C'est comme si. The entire heaven. Les cieux entiers. Comes to a stop. Se sont arrêtés. The whole heaven. Les cieux entiers. Begins felicitation. Commencer dans la félicité. Jubilation. Dans la jubilée. They begin to be joyful. Ils commencent à se réjouir. Joy unspeakable. Une joie incommensurable. The angels. Les anges. The heavenly hosts. Les êtres vivants. And everybody in heaven. Et tous les habitants des cieux. Is celebrating. Sont en train de célébrer. When it comes to the wedding of the Lamb of God. Lorsque le mariage de l'agneau de Dieu a lieu. That tells you. Cela vous dit. That in the calendar of events, dans le calendrier des événements, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, if you looked at the calendar of heaven, si vous regardez le calendrier des cieux, the day of the wedding of the Lamb of God, le jour de mariage de l'agneau de Dieu, is the most important day in heaven. C'est le jour le plus important dans les cieux. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. The day, le jour, of the wedding of the Lamb of God, du mariage de l'agneau de Dieu. Is the most important day. C'est le jour le plus important. In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. Because he says. Car il dit. Let us shout for joy. Que nous puissions se réjouir. And give him glory. Que nous puissions donner la gloire. For the wedding of the Lamb has arrived. Que le mariage de l'agneau est arrivé. But listen to this. Et écoutez ceci. Down there. Là. Revelation chapter 19. Apocalypse 19. When you read on verse 7 on. Et du verset 7 et plus loin. Why are they celebrating? Pourquoi célèbrent-ils? Because the bride of Christ, car l'épouse de Christ, has made herself ready. A été préparée. That is the most important message. Ça c'est le message le plus important. That when the bride of Christ, lorsque l'épouse de Christ, makes herself ready, se prépare. Then there is felicitation. Alors il y a la félicité. There is jubilation. Il y a le jubilé. There is joy unspeakable. Il y a une joie incommensurable. In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. But listen to this. Mais écoutez ceci. If si if the day of the wedding of the Lamb of God, le jour du mariage de l'agneau de Dieu, is the most important day in the kingdom of God. C'est le jour le plus important dans le royaume de Dieu. And yet the church, et l'église, the church of Christ, l'église de Christ, is meant for the kingdom of God, qui est préparée pour l'église, le royaume de Dieu. You are created, vous avez été créé, for the kingdom of God, pour le royaume de Dieu. But, mais, if the day of the wedding of the Lamb, au jour du mariage de l'agneau, can bring a whole stop to heaven, peut arrêter tous les cieux. If the day of the wedding of the Lamb of God, si le jour du mariage de l'agneau de Dieu, can bring such a jubilation, peut amener une telle jubilée, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, that tells you, cela veut dire, that God is telling the church, Dieu dit à l'église, that even you, même vous, the day of the wedding of the Lamb, le jour du mariage de l'agneau de Dieu, is supposed to be, ça devrait être, the most important day, le jour le plus important, in the church of Christ, dans l'église de Christ. Did you understand? Écoute, comprenez-moi bien. Do you begin to understand what God is saying to the church? Vous commencez à comprendre ce que Dieu dit à l'église. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. If it is the most important, si c'est le plus important, then you have to prepare for it. Alors il faut se préparer pour cela. Alléluia. Then you must prepare for it. Alors vous devez vous préparer à cela. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. In that visitation, dans cette visitation, of November 1st, le 1er novembre 2006, it is as if, c'était comme si, the Lord came to wake the church up. Était, le Seigneur était venu réveiller l'église. He said, "Come on now, wake up now." Il dit, allez, réveille-toi. Can't you see? Ne peux-tu voir that the wedding is near? Que le mariage est proche. That the bridegroom is about to come. Que l'époux est sur le point d'arriver. It is a wake-up call. C'est un appel au réveil. To the church. Pour l'église. But let me bring it another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. If you read down there, si vous lisez plus bas, verse 8, verset 8, he says, il dit, fine linen, de lin fin. Fine linen, un fin lin, bright and clean, éclatant et pur, has been given to the church, a été donné à l'église, to wear, pour porter. Listen to me, écoutez-moi. If that day, si ce jour-là, is so crucial to the church, est tellement crucial pour l'église, then she has to prepare, que l'église se prépare. In other words, the Lord is saying, please prepare. En d'autres mots, le Seigneur dit, et préparez-vous. But how do you prepare for the wedding? Comment vous préparez pour le mariage? He says, il dit, fine linen, d'un lin fin, bright and clean, somebody, pur éclatant, quelqu'un, has been given to the church, a été donné à l'église. And the Bible says, et la Bible dit, the fine linen, le fin lin, is the righteousness of the church. C'est les œuvres justes des saints. The holiness of the church. C'est la sainteté de l'église. In other words, the Lord is now saying, en d'autres mots, le Seigneur dit, God tell the church, dit à l'église, the time is over. Le temps est fini. For doing other things. Pour faire autre chose. Now they need to prepare the gown. Maintenant ils doivent préparer la robe. And remove the stains. Et enlever les taches. And purify the gown. Et se purifier la robe. Because the wedding is near. Car le mariage est proche. And when the wedding is near. Et lorsque le mariage arrive. You must get worried. Tu dois être prêt. You must worry about the gown. Tu dois t'inquiéter de ta robe. You must check your gown. Tu dois vérifier ta robe. But the church, mais l'église, over the years, au travers des ans, has not prepared the gown. N'a pas préparé la robe. Let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. When Jesus died of Calvary, lorsque Jésus est mort sur le calvaire, our precious Lord Jesus, notre précieux Seigneur Jésus, when he died at Calvary, lorsqu'il est mort sur le calvaire, Isaiah 53. Isaiah 53. Don't go there, I'm just mentioning. N'allez pas là-bas, je mentionne seulement. I will come there later. J'arriverai là-bas plus tard. And the blood flowed. Le sang a coulé. He already purchased for the church the wedding gown. Il a déjà acheté pour l'église la robe du mariage. At Calvary. Au calvaire. But the problem is this. Mais le problème est celui-ci. That the church, l'église, has had some stains, a des taches, many stains, plusieurs taches. In Spanish, en espagnol, they say mucho manchas, c'est mucho manchas, manchas, beaucoup. There are many stains, il y a beaucoup de taches, that have come on the wedding gown, qui se sont mis sur la robe de mariage. So when God was speaking with me about the wedding of the Lamb, quand Dieu me parlait du mariage de l'agneau. On November 1, au 1er novembre, by putting the wedding rings in the sky, en mettant les anneaux dans les cieux, so purified, tellement pur, so glorious rings, tellement glorieux, mighty rings, puissantes, tremendous rings, glorieuses, powerful rings, puissantes anneaux. He was telling the church, il disait à l'église, right now, en ce moment, you too, vous aussi, must be purified, vous devez vous purifier. Hallelujah. Amen. It is time to purify the church. C'est le temps de purifier l'église. I know you are a modern country. Je sais que vous êtes dans un pays moderne. Everybody in the world. Tout le monde dans le monde. Canada, I want to go. I just want there. Tout le monde dit on veut aller au Canada, on veut aller au Canada. That's where I want Canada. C'est là où on veut aller, le Canada. Everybody. Partout, tout le monde. They always say Canada. Ils parlent du Canada. Because it is modern. Parce que c'est moderne. The roads are good. Les routes sont bonnes. The system is good. Le système est bon. Life is good. La vie est bonne. Everybody wants. Tout le monde voudrait. I am told even the rich people they retire to Canada. J'ai entendu que même les riches viennent se prendre la retraite au Canada. But listen to me, somebody. Mais écoutez-moi, quelqu'un. Inside that postmodernism, même dans ce temps de postmodernité, inside that modernity, même dans cette modernité, so many stains have come on the gown. Il y a beaucoup de taches sur la robe. So the Lord has sent me here. Le Seigneur m'a envoyé ici. To tell you, de vous dire, it is time to purify the wedding gown here. C'est le temps de purifier la robe de mariage ici. And part of it, une part de cela, is to remove. C'est d'enlever. Sexual sin from the church. Les péchés immoraux de l'église. I repeat. Je répète. To remove. D'enlever. Sexual immorality. L'immoralité sexuelle. From the house of the Lord. De la maison du Seigneur. You are so modern. Vous êtes tellement moderne. That you are inclusive. Que vous incluez tout le monde. Even homosexual anoint. Même les homosexuels sont loin. He can be a pastor. Il peut devenir un pasteur. And yet the Bible says. Bien la Bible dit. That such a thing. Ces genres de choses. Should not even be heard of. Ne devrait pas être entendu. In the house of God. Dans la maison de Dieu. So there is a lot of work. Il y a beaucoup de travail. That needs to be done here. Qui doit être fait ici. To purify the wedding gown. Pour purifier la robe de mariage. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. I move to the next level. Je vais aller au niveau. You are so modern. Vous êtes tellement moderne. That you can lie on the phone. Que vous pouvez mentir au téléphone. But the Bible says. Et la Bible dit. That inside that lie. Dans ce mensonge-là. The lies. Les mensonges. That is the native language of the devil. C'est le langage naturel du diable. But remember Ananias and Sapphira. Souvenez-vous d'Ananias et Sapphira. They lied. Ils ont menti. And died. Ils sont morts. Died. Ils sont morts. Sin is sin. Le péché est péché. There are many sins I don't have time. Il y a beaucoup de péchés, j'ai pas le temps. Because I want to go deep here. Car je voudrais aller dans les profondeurs. You go to the movies. Vous allez au cinéma. You are modern Christians. Vous chrétiens modernes. You go to movie theaters. Vous allez dans les salles de cinéma. You watch Hollywood. Vous regardez Hollywood. But there is an immoral man. Mais il y a un homme immoral. A man who is immoral. Un homme qui est immoral. In Hollywood there. Dans Hollywood là-bas. He's teaching how you can cheat on your wife. Il apprend aux gens comment tromper vos femmes. He's teaching immorality. Il enseigne l'immoralité. You have been purchased. Et vous avez été racheté. You have been bought. Vous avez été acheté. By the blood of the Son of the Living God. Par le sang du Fils de Dieu Tout-Puissant. How can you follow that? Comment pouvez-vous suivre ces choses? How can you? Comment pouvez-vous? Join the unredeemed. Vous joindre à ceux qui ne sont pas rachetés. And start walking like them. Et marcher comme eux. Dressing like them. Vous habillant comme eux. Talking like them. Parlant comme eux. Doing life like them. Menant votre vie comme eux. Something is wrong in the church. Quelque chose ne va pas dans l'église. God is waking the church up. Dieu réveille l'église. Stop sleeping. Arrête de dormir. Look, the rings are there. Regarde, les anneaux sont là. Prepare for the wedding. Prépare-toi pour le mariage. Time is over. Le temps est fini. You cannot be Christian as usual. Tu ne peux pas être chrétien comme d'habitude. That is the lie of the devil. Ça, c'est le mensonge du diable. You have been purchased. Tu as été acheté. At a very high price. À un prix très élevé. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. I want to move bit by bit on this. Je voudrais avancer un peu. Let us move on very slowly. Allons-y lentement. He also talks of the wedding supper of the Lamb of God. Il parle aussi du souper du mariage de l'agneau de Dieu. He says that is the peak of all blessings. Il dit c'est le top de toutes les bénédictions. The wedding supper of the Lamb of God. Le souper du mariage de l'agneau de Dieu. Why is that the peak of all blessings? Pourquoi c'est le top de toutes les bénédictions? You can be blessed here. Tu peux être béni ici. It's all right. C'est bien. You can be blessed again. Tu peux être béni encore. But what is the point? Mais quel est le point in being so much blessed here? D'être tellement béni ici. And miss the kingdom of God. Et rater le royaume de Dieu. That's why he says. C'est pour ça il dit. Blessed are those. Heureux ceux. Who are invited. Qui sont invités. Into the wedding supper of the Lamb. Au souper du mariage de l'agneau. That means the Lord is saying. Car le Seigneur dit. To avoid the curse. Pour éviter la malédiction. Make sure you are blessed. Assurez-vous que vous êtes béni. And when you enter the wedding supper. Et lorsque vous entrez le souper. Of the Lamb of God. Du mariage de l'agneau de Dieu. That means you have been raptured. Ça veut dire que vous avez été enlevé. The Lord is saying, don't miss the wedding of the Lamb. Le Seigneur dit, ne ratez pas le mariage de l'agneau de Dieu. All these other blessings. Toutes ces autres bénédictions. There is no problem with them. Il n'y a aucun problème avec ça. Except. Sinon. If they push you away from God. Si on te pousse loin de Dieu. Hallelujah. Turn with me very fast, precious people. Tournez avec moi rapidement, bien-aimés. The book of Zechariah. Livre de Zacharie. Zechariah chapter 13. Zacharie 13. I know that we are fighting time. It's well. I'm going to finish in the next 15 minutes or so. Je sais que nous nous battons avec le temps, je vais finir dans les 15 minutes. Maybe 9:30. How many want 9:30? Combien voudrait que je m'arrête à 21h30? I know you are tired, but how many want 10 o'clock? Thank you so much, 10 o'clock. Vous êtes 10? How many want 10 o'clock? Combien voudrait 10 heures? It is important because I want to make sure. C'est important car je voudrais m'assurer. That I share all the visitations of God. Je partage toutes les visitations de Dieu. In this church. Dans cette église. That when I leave this land. Lorsque je quitterai cette terre. I can wash my hands. Je peux laver mes mains. And I say Jesus. Je dis Jésus. I went to Canada. J'ai été au Canada. And I told them that you are coming soon. Je leur ai dit que tu arrivais bientôt. So I can head to Russia, Ukraine. Je peux aller en Russie, en Ukraine. Pérou. Au Pérou. Japan, Taiwan. Au Japon et en Taïwan. I can go to all nations, including the Middle East. Je peux aller dans toutes les nations, même au Moyen-Orient. They were also purchased by the blood of Jesus. Ils ont été aussi rachetés par le sang précieux de Jésus. And they need to know about the coming of the Messiah. Et doivent entendre le retour du Messie. It is a big blessing. C'est une grande bénédiction. That even the Lord can tell me about this to tell you. Que le Seigneur peut partager ces choses avec moi pour vous dire. That's why I said. C'est pourquoi j'ai dit. For me, I am easy. Je suis facile. I am a foot soldier. Je suis un soldat. Just give me a shout across the ocean. Appelez-moi de l'autre bout de l'océan. And I'll be here where there is two people. I'll tell them, prepare the Messiah is coming. Je viendrai même s'il y a deux personnes. Je dirai, préparez-vous, le Messie revient. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux bien-aimés. The church, l'église, has entered now. Est entrée maintenant. Into the most important dispensation. Dans la dispensation la plus importante. The church, l'église, has entered into the most glorious season. Est entrée dans la saison la plus glorieuse. Because parce que some Christians died. Certains chrétiens sont morts. They did not even hear that prepare the way he's coming. Ils n'ont pas entendu la voix préparer la voie le Seigneur. You are the blessed generation. Vous êtes la génération bénie. That you can live to hear. Que vous pouvez vivre pour écouter. That now he has announced. Que maintenant il a annoncé. That you should get ready. Que vous devez vous préparer. Hallelujah. Let us go Zechariah. Allons dans Zacharie. The book of Zechariah, precious people. Zacharie, bien-aimé. Hallelujah. Amen. I am so blessed to be here. Je suis tellement béni d'être ici. We will finish. On va finir. But not now. Let's mais go. Pas maintenant. Zechariah 13. Zacharie 13. Verses 7. Hallelujah. Verses 7 to 9. À 9. Again, 7 to 9. Zechariah 13. Zacharie 13, 7 à 9. He says, awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me, declares the Lord Almighty. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I'll turn my hand against the little ones. Épée, lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. In the whole land, declares the Lord, two thirds will be struck down and perish, yet one third will be left in it, Et dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. This third, I'll bring into the fire. I'll refine them like silver and test them like gold. And I'll, hallelujah. Let me just repeat this thing, somebody. Help me. Let me repeat this thing. The fire in my bones. Le feu dans mes os. I am so excited about this. Je suis tellement excité sur ça. Verse 9. Verset 9. Hallelujah. Amen. He says, this third I'll bring into... Thank you so much. This third I'll bring into the fire. I'll refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I'll answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. Hallelujah. Amen. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Amen. Let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer. What the Lord is saying. Ce que le Seigneur dit. By putting the wedding rings in the sky. En mettant les anneaux de mariage dans les cieux. On that November 1. En ce novembre, 1er novembre 2006, de l'année 2006, at 3 a.m. in the morning, à 3 heures du matin. Listen to me. Écoutez-moi. The gold that makes the wedding rings, l'or qui est utilisé pour faire les anneaux de mariage, by just looking at the wedding rings, en regardant les anneaux de mariage, he made me know, il m'a fait savoir, that they are so highly purified, qu'ils ont été purifiés excellemment. They have been purified. Ils ont été purifiés. There is no iron. Il n'y a pas de fer. There is no silver. Il n'y a pas d'argent. No aluminium there. Et pas d'aluminium. There is no zinc. Il n'y a pas de zinc. It is pure gold. C'est de l'or pur. And rich gold. De l'or enrichi. I saw. J'ai vu. Listen to me. Écoutez-moi. The message to the church. Le message pour l'église. Is that church, que l'église, just like the wedding rings are so purified, comme les anneaux sont tellement purifiés, you too, vous aussi, must be purified, vous devez être purifiés, but the wedding rings, mais les anneaux de mariage, are purified by fire, sont purifiés par le feu, only fire, seul le feu, when you pass gold into fire, que vous mettez l'or dans le feu, you begin with a big one like this. Vous commencez avec un gros comme celui-là. You remain with a small one like this. Et vous n'en sortez qu'un petit. The fire removes every impurity. Le feu enlève toutes les impuretés. And then you get. Alors vous obtenez. The original value. Le valeur originale. The original worth. La valeur qui vaut de l'argent. Of the gold. De cet or. And the Lord is saying. Et le Seigneur dit. I have seen you Christians. Je vous ai vu chrétiens. I have seen you walking. Je vous ai vu marcher. I have seen you worshiping. Je vous ai vu adorer. I have seen you praying. Je vous ai vu prier. But I am telling you today. Mais je vous dis aujourd'hui. There is a fire. Il y a un feu. Of the Holy Spirit. Un feu du Saint-Esprit. That I want you to pass through. Que vous voudrez que vous traversiez. That you may be purified. Afin que vous soyez épurés. That the impurities. Que les impuretés. May come out. Puissent tomber. The sin. Les péchés. May come out. Puissent tomber. The defilement. L'effacement. May come out. Puissent tomber. That your original worth. Que votre valeur originale. Your original value. Votre valeur d'origine. That Jesus purchased at Calvary. Que Jésus a racheté au calvaire. May come out. Puisse sortir. And be ready for the wedding. Et prête pour le mariage. The original value. La valeur originale. God wants to restore the church. Dieu voudrait restaurer l'église. To the original value. À la valeur originale. He has seen. Il a vu. There is immorality. Il y a l'immoralité. There is lies. Il y a des mensonges. There is loving money more than God. Il y a l'amour de l'argent plus que l'or. There is worshiping in the outer sanctuary, outer court. Il y a l'adoration en dehors du sanctuaire, dans le parvis. And yet Jesus died. Et bien que Jésus soit mort. And when he was crucified. Et lorsqu'il a été crucifié. The curtain. Le rideau. It split open. A été déchiré. And he admitted the church. Et il a admis l'église. Into the holy of holies. Dans le saint des saints. But he has seen. Mais il a vu. That over the years. Au travers des ans. You have been worshiping. Vous étiez en train d'adorer. In the outer sanctuary. En dehors du sanctuaire. The outer court. En dehors même du parvis. A lot of rumors there. Il y a beaucoup de bruit là-bas.